Je suis en bas du bloc, les journées se défilent, Robert t'es proche du flop, je parle de qui devine, petit jaloux, je te fuck, en même temps je te filme, t'as pas donné de la force, on refuse le pitch, mais madame en cloque, je veux un petit fils. Bien dans mon époque, je regrette pas les Stan Smith. Je rentre dans le game, pas pour faire ami à mise, un contre un canot vert, nos victoires, nos amis, j'ai un cœur solidaire avec les miens et l'ami, drapeau vert, mais le reste du monde, mon paradis, je vais les wedge, je reçois des vidéos détenues. HLM, HLM, triste vécu. Je suis plus bon que toi, ouais, je fais pas le têtu, capuché, casqueté, quand je vais pas être vu. J'ai pris le mic pour les frères et pas les petites connes. J'ai chanté gramme de peuf et pas la demi-tonne. C'est la hesse et ouais mon rêve, j'suis pas un mytho. Fais pas le timide, viens faire ta selfie ho. Pas chichi, ça monte sur BX et les vitrines. On se déplace à 3, ouais j'suis pas une victime. J'ai vu des mecs en place, tapé dans la zipette. Pas de numéro d'écrou, mais numéro de sirette. Peufra. J'braque la misère, il me faut de l'argent. Hein? J'braque la misère, il me faut de l'argent. J'braque la misère, il me faut de l'argent. Peufra. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, je m'en sépare. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, moi j'en sais pas. Ça vient d'Espagne, pas un sou en poche. Je vais pas faire le 6 gros comme tes rappeurs. Fauché l'équipe veut que ça brasse. Des Elias par milliers, les games comme les tasses. On va leur mettre dans le chiné, l'été à la test. T'as pas vu la mer, la reste tient en laisse toute l'année. 2000 police, c'est la guerre, mon petit gars. On prend des risques, on prend pas en Judas. Croisé de Nice en petit Bermuda. Qu'est-ce que je te dis, la concu et tu vas faire d'astapi, je rentabilise tout ça. Là où j'habite, t'es heureux quand t'es tout die. Va te renseigner, je m'arrête que si je te vois saigner. Chez nous, y'a que le nif qui parle refrain. Au final, c'est le traître qui reste en retrait. Les bonhommes sont fiers et les liens sont vrais. Peufra. J'braque la misère, il me faut de l'argent. Hein? J'braque la misère, il me faut de l'argent. J'braque la misère, il me faut de l'argent. Peufra. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, je m'en sépare. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, moi j'en sépare. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, je m'en sépare. Difficile sont mes fins de mois. Vive ici, moi j'en ai marre. Les civils arrivent sans l'effort. L'illicite, moi j'en sépare. J'braque la misère, il me faut de l'argent. J'braque la misère, il me faut de l'argent.